séchée, quelle belle image. Les flammes devant moi défilent. Hier j'ai failli tout gâcher, maintenant je serai sage. Personne n'a pu m'empêcher, feu. Je pense à recommencer ma vie sans mot ni phrase. Comme il changeait de couleur, de plus en plus de place, le papier mange les heures, et peu à peu je me lasse. Pour entasser des livres, il faut un lieu précis, d'où les mots ne s'échappent, pour n'être pas compris. Traversé par le doute, j'ai accepté de m'y faire, éteint le feu. Certains livres sont perdus, une belle image. Du sel recouvre mes cils. Certaines phrases ont fondu, maintenant je serai sage. Mais qui pourra m'empêcher? Commencer ma vie sans mot ni phrase.